Vous écoutez la radio Isanganiro. Bienvenue à la grande édition de la mi-journée, dont voici d'abord la charpente. Une grenade a été jetée dans la nuit de ce mardi dans un bar du quartier Chalama. C'est en mairie de Bujumbura. Heureusement, elle n'a fait que 4 blessés. La population environnante demande que cette localité soit plus sécurisée. Le carburant de type essence manque sur certaines stations de la mairie de Bujumbura. Cela a été remarqué par un reporter de la radio Isanganiro. Les travailleurs de ces stations lui ont indiqué que leurs stocks de carburant sont vides. L'assistant du ministre de l'Intérieur invite les adeptes de la prophétesse Eusebie à respecter la loi burundaise. Terence Nahiraja tient à préciser que ces adeptes sont accueillis comme d'autres rapatriés. Un montant de 10 millions de francs est nécessaire pour qu'un enfant du nom de Niyongeko Ardon aille se faire soigner à l'étranger. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. La mise en onde est assurée par Erika Dogo à la présentation Alida Ndaikeza. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore et commençons par parler sécurité. 4 personnes ont été blessées par une grenade lancée dans la nuit de ce mercredi au bar di Kukakende au quartier urbain de Chalama. 3 de ces blessés étaient à bord d'un véhicule de marque Probox qui se dirigeait vers Bubanza. Les agents de ce bar et le voisinage demandent que cette localité soit beaucoup plus sécurisée. Aubin Nyonguru. Cette grenade a été lancée vers 19h30 de ce mardi, juste en face du bar di Kugakende La Patience, au quartier Charama, sur la route Bujumbura à Bubanza. Parmi les blessés, 3 étaient à bord d'un véhicule qui se dirigeait vers Bubanza et le 4e était assis dans la cour de ce bar. Nous avons entendu une explosion, c'était vers 19h30. Du coup, les clients ont tenté de se sauver. Les écrans ont touché la voiture de marque Probox qui se dirigeait vers Manda. 3 personnes à bord ont été touchées, dont le chauffeur au niveau de la tête. Il risque même la mort. Selon toujours les mêmes témoins, cela fait 2 fois que ce bar est la cible d'un jet de grenade. Les habitants de Chalama et les agents de ce bar demandent que cet endroit soit beaucoup plus sécurisé. Continuons ce journal en parlant transport. Il s'observe la pénurie de carburant du type essence sur certaines stations de la mairie de Bujumbura. Comme l'ont constaté nos confrères, seules les stations d'Interpétrole possèdent le carburant de type essence. Certains travailleurs des stations Kobyle disent que leurs stocks ont été vides il y a 2 semaines. Reportage de Gertrude Maunayo. À la station se trouvant au centre-ville de Bujumbura, dénommée chez Katikati, il n'y avait pas de carburant de type essence au moment où nous y avons passé vers 9h30. Un des pompistes de cette station nous a dit qu'il possédait uniquement le carburant de type mazout. Même situation à la station Mogas se trouvant tout près du pont Moura. À la station se trouvant tout près du terrain Tempête, les clients s'y approvisionnaient normalement, que ce soit le mazout, que ce soit l'essence. La situation était la même à la station Interpétrole se trouvant non loin de la Brahoudi. Là, le pompier nous a dit que presque toutes les stations Interpétrole n'ont pas de problème de carburant. Après, nous avons continué vers la route Gatumba jusqu'à la station Kobyle, se trouvant non loin du rond-point appelé Chanik. Un des travailleurs à cette station nous a dit que le stock de l'essence s'est vidé depuis le 23 mars et indique qu'ils s'approvisionnent à l'Interpétrole parce qu'ils n'ont pas l'autorisation d'importer leurs propres stocks. À la station Mogas, se trouvant non loin de cette dernière, il n'y avait ni essence ni mazout. Nous avons continué jusqu'à la station Delta se trouvant près du marché Côté-Vous. Là, on nous a dit qu'il n'y a pas de carburant du type essence. Après, nous avons également visité la station Top One se trouvant non loin du pont Nahangwa Sud. Là aussi, pas de carburant du type essence depuis ce mardi. À la station Interpétrole située à la première avenue de Buyenzi près de Star Hotel, il n'y avait ni essence ni mazout quand nous y avons passé vers 11h. À la station Mogas X King Star de Buiza, un des pompiers nous a dit qu'il n'y a pas de carburant de type essence depuis la semaine passée. Merci Gertrude pour ce reportage et à présent, parlons de l'état des routes. La route nationale numéro 9, Rwanda-Bujumbura, passant par le quartier Mutakura de la zone urbaine de Chibitoke, sera bientôt réhabilité et les nids de poules qui s'y observent tout le long du quartier Mutakura seront bouchés. Vincent Nibayuba, directeur général de l'Office burundaise, indique que cela permettra de limiter la circulation sur le tronçon de la RN1 où est en train d'être érigé le palais présidentiel. Il indique que la largeur de cette route sera augmentée pour faciliter le passage des camions. On l'écoute. RN9, c'est la route nationale numéro 9 qui quitte Bujumbura jusqu'à la jonction avec la RN10, côté Kayanza, via Masango, en commune de Chibitoke. Mais il y a un tronçon quand même qui est un tronçon urbain, c'est le tronçon rond-point des Nations Unies jusqu'au-delà de Tchalama. C'est une route qui est très fréquente. Parce que vous savez, il dessert des quartiers très populaires, quartier de Mutakura, quartier de Tchalama, quartier de Buhinyuza et au-delà de Tchalama. Mais c'est une route aussi qui est vétuste. Vétuste parce qu'elle est âgée de beaucoup d'années. Et on observe des nids de poules en grande quantité. Et la route vraiment est dans un état critique. Alors, dans le programme d'entretien routier, il y a un volet qui s'appelle Pointe-à-Temps. Ce volet a toujours bénéficié des réparations ponctuelles des nids de poules. Mais pour le moment, les quantités ont été tellement énormes, beaucoup de manière à ce qu'on n'a pas pu couvrir toute la totalité des surfaces qui sont endommagées. Et toutefois, vous savez très bien que il y a un bâtiment qui va servir peut-être de bureau de son excellence de la République avec d'autres institutions de la République, qui est érigé sur le quartier Gatunguru, et le trafic va être réduit. Il y a un trafic qui sera dévié. Il sera dévié du côté rivière de Gikoma jusqu'à la jonction de la route RN9 qui va vers le Banza. À cet effet, il sera obligé de désengorger le tronçon RN1 via Iwawawanu, et pour que les poids lourds ou autres trafics soient déviés sur le nouveau tronçon. Alors, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une équipe chinoise qui est venue et qui est à l'œuvre pour récolter toutes les données nécessaires afin d'ériger une route qui est de la catégorie autoroute. On aura 2 voies x 2, c'est-à-dire 2 voies dans un sens parallèle et d'autres 2 voies dans l'autre sens parallèle, c'est-à-dire 4 voies. Vincent Nibayuba indique également que les travaux d'aménagement des ruisseaux passant par les quartiers nord en cours s'inscrivent dans la même optique pour recevoir un grand trafic sur cette partie qui sera transformée en autoroute. Il appelle la population de Mutakura à se préparer en conséquence car les travaux vont bientôt commencer. On l'écoute encore une fois. Et on s'y est déjà préparé parce que vous verrez à l'entrée, juste à tout près de la jonction, la chaussée communément appelée Monseigneur Bouchonnery et la RN9, côté Station Bassouf. Il y a un pont qui a été érigé dans le cadre d'un don qui a été octroyé par la Banque mondiale au gouvernement du Burundi pour faire face aux urgences des inondations de 2014 et a été obligé d'aménagement des rivières Dogasenyi, certains canaux de Tchalama, la rivière Kinyangonge et la rivière aussi Nyabagere qui passe par le Kamen. On a érigé des ponts qui vont recevoir 4 voies, c'est-à-dire des ponts de 14 mètres. Kanga, un autre pont a été érigé et a été dimensionné pour recevoir ces 2 voies x 2 qui vont déboucher, qui vont arriver jusque là à côté bureau Seni, tout près de la Moussala Astardi, l'ancien Moussala Astardi. Le long du marché, comme appelé Kotibo, ce sera toujours 2 voies x 2. Rond-point des Nations Unies, c'est 2 voies x 2 via les CRN de la paix, tout Mutakura et finalement une partie de Tchalama. Alors, cela dit, c'est aussi une bonne occasion pour moi pour que les habitants de Mutakura puissent comprendre que d'ici peu de jours, on pourra passer à l'identification de certaines maisons ou certaines baraques qui sont érigées dans la zone indemnisée, c'est-à-dire l'emprise générale, qui sera dégagée. Alors, on va mettre des signes montrant que ce sont des ouvriers démolis et il faudra qu'ils nous comprennent et surtout que cette partie a été déjà indemnisée. Alors, quiconque qui aurait déjà eu son indemnisation pourra faciliter l'opération. Et celui aussi qui n'aura pas eu pourra aussi faciliter les opérations pour finalement réclamer et par après parce que ce sont des ouvrages publics, c'est à l'avantage de tout le monde, personne ne peut s'y opposer. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, le journal continue. Les taux d'abandon scolaire ont réellement diminué grâce au programme des cantines scolaires dans les écoles primaires situées dans les zones en insécurité alimentaire. Au cours d'un atelier d'échange et réflexion sur l'importance des cantines scolaires, la directrice du programme alimentaire mondial PAM fit savoir que le programme a contribué à lutter contre les mariages précoces des filles. Les adeptes des Zébis qui regagnent le pays sont accueillis comme d'autres rapatriés. Ils reçoivent des documents administratifs. Les précisions sont de l'assistant du ministre de l'Intérieur. Terence Nahiraja leur demande de respecter la loi et l'Église catholique. Suivez-le. Le gouvernement burundais a accueilli les adeptes des Zébis comme il accueille les autres rapatriés spontanés. Ce sont des Burundis, ils doivent être considérés comme les Burundis comme les autres. On a donné des attestations de rapatriement pour qu'en fin de compte, plus tard, ils puissent également bénéficier des aides comme les autres rapatriés dans le processus de réintégration. Comme vous le savez, le dossier Zébia, c'est un dossier qui a posé plutôt problème dans les ménages. Tantôt, vous trouvez que c'est la femme qui est partie, tantôt la femme part avec les enfants, tantôt c'est l'homme qui est parti, tantôt ce sont les enfants qui sont partis. Donc, mais sinon, tout le monde qui est resté dans le ménage ont continué à vaquer à leurs activités quotidiennes de développement du pays. Ils sont là, il n'y a pas de problème. Nous pensons que donc, au niveau de la réintégration de ces derniers, il n'y a pas de problème. Au cas où ils sont marqués qu'il y aurait quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui serait en besoin, il y a son papier qui témoigne qu'il est rapatrié, donc il sera assisté comme les autres rapatriés spontanés. Parmi ces adeptes, certains réclament la liberté de culte telle qu'il est envisagé avant leur fuite. Quelle est la position du ministère? La Constitution de la République du Burundi est clair. Il est précise que tout Burundais a le droit d'adhérer à une association, à une église, à un syndicat et beaucoup d'autres, mais cela conformément. Alors, le problème qui s'était posé est que justement, ils se réclamaient de l'église catholique, mais les actes qu'ils posaient étaient différents de l'organisation de cette église, d'où l'église a dit voilà, on ne vous reconnaît pas donc, il faut que le gouvernement nous aide pour prendre des mesures adéquates. Ce qui s'est passé, ils ont eu une leçon et ils ont accepté, et même si les médias qu'ils veulent respecter, non seulement la loi, mais également l'église catholique. Ce n'est pas un désordre qu'un groupe de gens se choisit un endroit et ils l'ont baptisé d'un endroit saint, à l'issue de leur église, et c'est impossible. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, plutôt on respecte la loi. Page sport, les présidents des équipes de football et les entraîneurs sont appelés à éviter l'utilisation de la corruption lors des préparatifs des matchs comme moyen de gagner les matchs. Cela a été indiqué par Emmanuel Wanguiha, entraîneur de l'équipe Lydia Ludic. Il dit cela après que la CAF ait sanctionné Rayon Sport, l'équipe rwandaise. C'était lors d'un match retour qui s'est joué le 21 février 2018. Les officiels de Rayon Sport ont été accusés d'avoir corrompu l'arbitre du match. On l'écoute. On a suspendu le membre du comité exécutif du Rayon Sport. Ensuite, on a suspendu l'arbitre. Vraiment, nous avons reçu cette nouvelle avec la tristesse. Dans la formation Rayon Sport, il y a des joueurs burundais qui évoluent mieux. Est-ce que telle décision n'a pas de conséquences pour ces joueurs burundais? Même si c'est diminué au niveau sportif, mais il faut l'équipe de la première division, c'est d'abord l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas préparer l'équipe. Ça demande beaucoup de moyens. Quand tu entres dans les compétitions, pour avoir préparé la corruption, moi je crois que tu ne peux pas arriver trop loin. Il faut préparer d'abord l'équipe, chercher les joueurs et chercher les entraîneurs aussi, de haut niveau, pour arriver trop loin. Moi je crois que c'est ça. Et quel rappel avez-vous au coach ou bien les présidents des équipes qui utilisent la corruption comme moyen de gagner les matchs? L'appel que je vais lancer au président, même les entraîneurs de l'équipe, il faut préparer l'équipe, chercher aussi les sponsors, préparer les joueurs, avoir les entraîneurs de haut niveau, de qualité. Si tu prépares l'équipe pour la corruption, moi je crois que tu ne peux pas arriver trop loin. Avant de nous quitter, une nouvelle en brève, SOS, une somme de 10 millions de francs burundais, tel le montant nécessaire pour faire soigner à l'étranger le petit Niungeko Ardan de 9 mois, originaire de la province Chibitoke, dont le coût ne tient pas. Une équipe de médecins ont précisé dans une attestation médicale que l'état de santé de cet enfant nécessite un transport à l'étranger. La famille demande à toute âme charitable de l'aider pour l'évacuer. Et voilà, c'est par ici que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.